Bonsoir à tous, chers auditeurs de Vibration, je suis content de vous retrouver. Le Raph au micro sur Milky Waves. Cet épisode 12 est mixé par Groove Jesus, qui nous a déniché des morceaux de grande qualité. Et le premier morceau que nous allons entendre, c'est Super Pitcher, un des deux membres du célèbre duo Pachanga Boys. Le morceau, qui est un vieux track sorti à l'époque sur le célèbre label Compact de Cologne. Le morceau donc s'appelle People. On écoute ça. This is Milky Waves, hosted by Raph, with on the decks, Groove Jesus. We don't need people. c'était People de Super Pitcher. Et maintenant, le DJ très populaire Solomon, derrière le label Dynamic. En parlant de Dynamic, on vous rappelle que Jason Heath, membre de Beyond Space, jouera le 9 mai pour la finale du contest Extrema Outdoor. Et le gagnant de ce contest pourra jouer sur le stage hosté par ce prestigieux label, voilà. Alors si vous voulez prendre part à ce magnifique spectacle, j'ai ouï dire que l'artiste offre une réduction de 5€ à qui en fera la demande. Alors, vous préparez un crayon, un papier, et je vous dis ça à la fin du morceau. Voilà, à tout de suite. Milky Way. This is Milky Waves on Vibration.fm. C'était Solomon avec Medea. Alors, j'espère que vous avez de quoi noter. Vous envoyez un petit mail à Jason Heat, jason.heat at rocketmail.com, donc rocketmail.com, et vous demandez la petite réduc de 5 euros sur l'entrée de Extrema Outdoor. Voilà. On poursuit avec Marcus Sur, qui fait ses débuts sur le label Noir Music 2. Une première sortie pour lui sur ce label. Et le titre, c'est We Work. Bah non, on travaille pas, hein, c'est dimanche. Mais bon, allez. This is Milky Waves on Vibration.fm, 107.2 in Brussels. We work. We work. We work. We work the hardest. We speak the loudest. We work. We work. We'll be right back. C'était We Work de Marcus Suhr. À suivre, le DJ producteur allemand Dade Meyer, avec une sortie récente sur le label Kine Music, dont il est un des fondateurs d'ailleurs. Le titre donc, c'est Sun Hole. This is Milky Waves on Vibration.fm, 107.2 in Brussels. D'écouter Died Mayer avec Sun Hole. On reste en Allemagne avec le label Inner Vision, dirigé par les célèbres Amé et Dixon. L'artiste, c'est Recondite et le titre Fiery. This is Milky Waves, hosted by Raf, with On the Decks, Groove Jesus. venons d'écouter Fieri de l'artiste Recondite. Vous écoutez toujours Milky Waves avec le Raph au micro et cette semaine Groove Jesus. Pour cette deuxième partie d'émission, nous passons un extrait de la compilation mobile Back to Back Volume 8, sorti ce mois-ci d'ailleurs. Il s'agit de Ray Okpara et Nick Curley avec le titre Yellow Single Fin. C'était Ray Okpara et Nick Curley avec Yellow Single Fin. Vous écoutez toujours Milky Wave sur Vibration, vibration.fm ou 107.2 Bruxelles ou 91.0 Mons. Et n'oubliez pas d'aller visiter notre page Milky Waves sur Facebook. Le prochain morceau, nous le devons à Larry Cage. Et le titre, c'est Vicious Circle, Cercle Vicieux, original mix. Mais moi, ça me fait penser à autre chose. Je vous laisse écouter ça. This is Milky Waves on Vibration.fm, 107.2 in Brussels. Larry Cage avec Vicious Circle. bien bien inspiré de The French Kiss, évidemment, les Louis 1989, et oui. Vous vous rendez compte, le morceau original a 25 ans cette année. Ça ne nous rajeunit pas. Allez, toujours avec Groove Jesus, qui nous passe un label Crosstone Rebels, un label qu'il apprécie beaucoup. Digifier nous l'a passé la semaine passée parce qu'il l'aimait bien aussi. Alors il s'agit de Matthew Johnson avec Level 7 Dixon Remix. à l'écoute de Matthew Johnson et Level 7 Dixon Remix. On passe à Christopher K avec un morceau sorti début d'année sur le label Gigolo Records, avec un morceau qui s'appelle Light Wave. c'était Christopher K, K-A-H, avec Lightwave. Toujours sur Milky Waves avec Group Jesus, on a maintenant droit à un track du DJ américain DVS1 avec le titre Lost Myself. Enjoy! This is Milky Waves, hosted by Raph, with on the decks, Group Jesus. c'était l'américain DVS1 avec Lost Myself. On se quitte avec un excellent remix de Carl Craig sur le label Supernature. Il s'agit de Audiofly featuring Joe et le titre c'est Excuse My Wildness. Je vous souhaite une excellente fin de week-end sur Vibration et je vous donne rendez-vous dimanche prochain, 21h-22h. Milky Wave, c'est terminé. Bye bye.